Bon matin tout le monde, Danny Veilleux, le butin de sport local et régional de l'édition du 15 novembre. Plusieurs réactions ce matin suite au décès du bénévole Thomas Ouellette. On sait que Thomas Ouellette est décédé le 11 novembre à l'âge de 80 ans. Thomas Ouellette qui a œuvré comme bénévole dans le hockey mineur pendant au moins 50 ans. Une personne qui l'a bien connu, c'est Paul Ménard qui a été gérant des Castors de Dolbeau de 2002 à 2009. Et il nous rappelle évidemment comment les frères Ouellette, Jean qui est décédé l'an dernier également, ont travaillé pour les jeunes de Beau Mississippi. Qui ont donné beaucoup de temps au niveau des jeunes du hockey mineur. Ça, ils ont commencé en attachant des lacets de patins. Puis vous savez comment les jeunes, il faut toujours mettre le pouce avant de faire le nœud et la boucle. Là. Ouais. Donc en réalité, ils ont commencé en ce temps-là. Puis à eux deux, ils totalisaient au-dessus de 100 ans de bénévolat au niveau de la ville de Beau Mississippi. Qui a commencé le premier? Frères Ouellette ont commencé jeune et Paul Ménard se rappelle évidemment de comment les frères Ouellette ont débuté à Dolbeau-Mississinier. Ah oui, oui, puis c'était par habitude. Comme on dit, avec débuté avec les petits marceaux. Moi, quand je suis arrivé, là, c'était les petits marceaux qui avaient un certain contrôle de l'aréna. Ils étaient tout le temps là, puis des bons bénévoles aussi. Puis, mais Jean puis Thomas ont été acceptés par cette famille-là, d'une certaine façon. Puis lui donnaient des petites tâches à faire, puis les tâches étaient tout le temps bien faites. Donc, ils ont resté dans l'aréna régulièrement, puis ils rentraient le matin. Si c'était pour faire des stocks de hockey ou défaire des stocks de hockey, là, que ce soit junior, senior, puis moi, à ma connaissance, midget aussi, parce que j'ai été 7 ans avec les Castors midget, Thomas était avec nous autres, puis ils voulaient pas que les joueurs... Quand on arrivait d'un voyage de l'extérieur, c'était marqué « Laissez vos stocks-là, moi, demain matin, je vais les faire. » OK, OK. Puis, c'était du monde de service, puis... je ne sais pas si Delbourg a été capable de s'en passer. Dans le dernier temps, Paul Ménard, évidemment, salue l'effort que Daniel Savard et son épouse ont fait pour héberger Thomas tout au long de sa vie. Ah oui, oui, oui. C'est comme on dit, Daniel, c'est un gars qui est toujours reconnu. Il a fait beaucoup de bénévolat. Il était, je pense, 14 ans ou comme échevin à la ville. Puis moi, je considère ça comme du bénévolat parce que 365 jours par année, là, il y a toujours quelqu'un qui a quelque chose à demander. Là. Mm. Puis Daniel, lui, il faisait du bénévolat. Ses garçons jouaient au hockey. Après ça, pour lui, c'était comme normal que Thomas aille en pension chez eux. C'était comme là un remerciement de son côté. OK, OK. Ben, on rappelle également... Autre réaction, c'est celle de l'actuel président du hockey mineur de Dolbeau-Mississinie, David Lamontagne. David Lamontagne qui a connu, comme un peu tout le monde de son époque, Thomas Ouellette, et rappelle comment il a lancé des patins à une multitude de jeunes à Dolbeau-Mississinie. Ah oui, il en a lancé des patins. Moi, le premier, quand j'ai commencé à jouer au hockey, tout le monde a connu Thomas, tous ceux qui ont joué au moins dans le hockey mineur à Dolbeau dans le temps. Je pense que quand on parle de 50 ans, c'est... Rappelons que Thomas Ouellette sera exposé samedi à compter de midi au salon funéraire Hébert et Fils au 2355 boulevard Wahlberg à Dolbeau-Mississinie. Et une célébration de la vie aura lieu à 15h30, toujours chez Hébert et Fils. L'Avalanche du Colorado l'a emporté hier par la marque de 6-2 contre les Bruins de Boston. À noter que Samuel Girard de Roberval a amassé 2 passes dans la rencontre. L'actuel président du multiconcessionnaire de Dolbeau-Mississinie, Dave Girard, est très content des assistances actuellement au multiconcessionnaire depuis le début de la saison. En entrevue à danadosport.com, Dave Girard a mentionné que lors du dernier match contre la Haute-Côte-Nord, il y avait 650 personnes payant au match. Année, oui, je suis très content. Écoutez, l'année passée, quand on a commencé, on avait à peu près une foule. Ça a vrai déjà à peu près 350-400 dans le début, mais écoutez, le dernier match, je pense que tu étais là. Ouais. On avait une foule de 650 et plus. Là. Ça, c'est-tu 650 payants? Il y a du monde un peu, tu as donné des billets à travers... 650 payants. OK. Et Girard est bien content également du début de saison de l'équipe. Effectivement, ça va bien. On a quand même des nouveaux joueurs cette année. OK. Avec la fiche qu'on a, je pense qu'on est bien content. Tout va bien. Et, ben, ça va mieux de mieux en mieux aller. Effectivement, avec les pratiques qu'on va faire, les ajustements, système de jeu, je pense qu'on devrait être meilleur que l'an passé. Les résultats maintenant des différentes ligues de hockey simple lettre dans le secteur. D'abord, dans l'Atome A la semaine passée, il y avait des matchs verdicts de 1-1 entre les Patriotes de Saint-Bruno et également les Hurricanes d'Orberval. Victoire toujours dans l'Atome A des Épreuves de Lac-Saint-Jean 2-0 chez les Bulldogs de Saint-Félicien. Verdict nul de 1 à 1 entre les Patriotes de Saint-Bruno et les Éperviers de Lac-Saint-Jean. Maintenant, on va y aller du côté de l'Atome, du Piwiya plutôt. Victoire des Loups de Drebeau-Mississini 5 à 1 sur les Hurricanes d'Alma. Les Aiglons d'Alma ont défait le Royal Metamedchouan 4 à 2. Et également, victoire du Royal Metamedchouan 4 à 2 sur les Loups de Drebeau-Mississini. Maintenant, on va y aller du côté, on revient du côté de l'Atome B. Victoire des Aiglons d'Alma 4 à 1 contre les Sabres d'Orbeval et les Castors de Drebeau-Mississini ont gagné contre les Loups de Drebeau-Mississini 6 à 1. Et Drebeau-Mississini 6, Orbeval 2, toujours dans la catégorie Atome B. Maintenant, on va y aller du côté de la catégorie Piwi-A. Gain des Loups 5 à 1 sur les Hurricanes de Lac-Saint-Jean. Et également, victoire des Metamedchouan 4 à 2 sur les Loups de Drebeau-Mississini. Maintenant, on va y aller du côté de la classe Piwi-B, plutôt Bantam B. Un gain du côté des Genois d'Allemagne qui ont défait le Dynamo de Chicoutimi 2 à 0. Et je termine avec du basketball. Il y avait du basketball scolaire qui s'est déroulé en fin de semaine à la polyvalente Charles Graville. Et ça a été un match quand même haut la main, une défaite de la polyvalente de Normandin, 86 à 25 contre la polyvalente Charles Graville. Ça, c'était au niveau juvénile. Et au niveau Benjamin, autre défaite cinglante de la polyvalente de Normandin, 50 à 13 contre la polyvalente Charles Graville. Je vous invite à écouter la section entrevue de danradiosport.com. Plusieurs entrevues également hier. On a parlé évidemment avec Paul Ménard, où on a fait un petit peu on a rendu hommage à Thomas Ouellet. Joe Hardy vient nous parler du Canadien de Montréal. On s'est également entretenu avec d'autres intervenants dans le monde du sport. Le sport local et régional, à danradiosport.com. On s'en occupe.